AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Je ne suis ni historienne, ni palestinienne. Simone Bitton. Donc je ne peux pas vous parler de l'intérieur, du sentiment. Mais bon, c'est un peuple qui vivait sur sa terre et qui se bat, comme vous le savez, depuis très longtemps pour être indépendant, pour avoir un État indépendant. Voilà, plus que ça, c'est quoi la Palestine? C'est ça, c'est cet endroit-là où il y a un conflit grave, où il y a quelque chose qui a mal tourné, qui n'arrive pas à se résoudre, sans doute parce que le rapport de force est trop fort, mais en même temps, les vaincus n'acceptent pas leur défaite. Donc personne ne sait vous dire comment la situation y sera dans 10 ans, mais en tout cas en ce moment pour les Palestiniens ça va mal, ça va très mal. Les Palestiniens et la question palestinienne, Somanina, Alain Lefkovitch. De quoi la Palestine est-elle le nom ? C'est sûr que la Palestine suscite des émotions et des mobilisations que ne suscitent pas forcément les autres conflits. Et si vous voulez, mon interprétation, en tous les cas, c'est que si cette question suscite tellement de mobilisations, c'est qu'elle est le nom de quelque chose qui est le colonialisme. C'est-à-dire que c'est perçu à travers beaucoup de pays, c'est-à-dire plus dans le sud que dans le nord, mais en Afrique, en Amérique latine, en Asie, comme le dernier vestige d'un conflit colonial. La Palestine est le nom de Zaytouna, d'un olivier, pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est la terre, c'est le symbole de la Palestine, c'est ces arbres millénaires, parfois centenaires, qu'on voit également arrachés, parfois déracinés, pour construire justement des colonies et qui me rendent folle de rage quand je vois ces arbres arrachés. Mais c'est également le symbole de la paix. La branche d'olivier, c'est le symbole. Et donc la Palestine, c'est la terre, c'est les populations, mais c'est également plus tard un symbole de la paix. Un symbole de paix, nous dit l'historienne Jeanne Sfer. Pourtant, pour le monde entier, la Palestine incarne ce sujet passionnel par excellence, clivant, suscitant émoi et opposition irréconciliables, de l'Antiquité à aujourd'hui en passant par l'Empire ottoman, aux accords d'Oslo, à la conquête arabe, l'occupation britannique, au plan de partage de 1947, à la fondation de l'État d'Israël en 1948, aux différentes guerres israélo-arabes, aux intifadas, à Gaza, à la Cisjordanie et aux colonies. Raconter la Palestine semble impossible, tant le problème récurrent est que le présent ne cesse de s'inviter dans nos efforts d'intelligence du passé. La Palestine illustre les difficultés de l'écriture de l'histoire dans cette région du monde, où tout nous ramène aux enjeux politiques et territoriaux actuels. Comme si la Palestine et les Palestiniens se résumaient à ce conflit israélo-palestinien. Comment alors raconter la Palestine et les Palestiniens ? Comment au fil de l'histoire s'est forgée l'identité palestinienne, ce sentiment d'appartenance à un peuple, à une nation fortement ancrée dans ses terres, sans doute les plus disputées de cette partie du monde. Si le terme Palestine a toujours eu un sens géographique, du Jourdain à la Méditerranée, indépendamment des identités nationales de ceux qui y vivaient, comme les Juifs, les Coptes ou les Évangélistes, il a également un sens politique défini par un groupe national essentiellement arabophone et majoritairement musulman. Confondre les deux n'aurait aucun sens. Cette terre est, dès le départ, plurielle. Ilyas Sambar, historien, poète et essayiste palestinien. Donc, il n'y a pas d'antériorité. Là, l'idée de l'antériorité est une espèce de cliché faussement historique, mais qui a servi à justifier, à permettre de très nombreuses injustices, puisque, à partir de cette idée de l'antériorité, certains disent, puisque j'étais là avant toi, j'ai le droit non pas d'être là, mais d'être seul dans le lieu. Cette terre, en plus, au niveau de ses noms, elle a un autre nom qui est très important, qui est celui de la Terre Sainte. Cette Terre Sainte est unique. Elle est unique et pour les croyants et pour les enfants de cette terre qui ne sont pas croyants. Pourquoi ? C'est le seul coin du globe qui réunit les trois monothéismes comme un réceptacle des trois. D'où cette histoire de la sainteté d'une terre. Mais c'est une sainteté très particulière parce que souvent, et c'est normal, les gens assimilent l'idée de la Terre Sainte au lieu saint. Ça n'est pas comme ça, ce n'est pas la bonne définition, parce que je donne toujours l'exemple, Lourdes est un lieu saint, la France n'est pas une Terre Sainte. Ce qui caractérise la Terre Sainte, c'est que, outre ces lieux saints, elle sanctifie tout ce qui s'y trouve. Du fait de ce caractère, les enfants de cette terre, quelle que soit leur religion, et j'insiste toujours, même ceux qui n'en ont pas, se considèrent, eux, comme les réceptacles des trois religions. Ce toponyme de Palestine, il est tout à fait fortuit. Hein. C'est le nom de la province romaine, hein, on le sait, de Palestine, baptisée comme telle en 135. Vincent Lemire, historien, auteur d'une biographie de Jérusalem. On rebaptise cette terre sainte, Palestine, hein, la terre des Philistins. C'est une façon pour l'Empire romain d'essayer de neutraliser, ou en tout cas de tenir à distance, le paradigme religieux que représente cette région. Donc il est vrai que oui, le terme Palestine, c'est un terme profane, qui n'a pas à voir avec une tradition religieuse, avec une tradition biblique, avec une tradition islamique, avec une tradition chrétienne. Hein, c'est un terme fortuit, c'est l'ancienne province romaine. Voilà, donc ça désigne un espace, une collection de lieux, et non pas un passé. Donc évidemment, le terme Palestine, c'est là qu'il se distingue radicalement du terme Israël ou Eretz Israël, qui se réfère directement à un passé. Alors que Palestine, c'est un toponyme plutôt horizontal, qui désigne un espace. Voilà. Un espace, grosso modo, de la mer au Jourdain et du Liban à la mer Rouge. Tous ceux qui s'interrogent pour savoir mais qui étaient les Palestiniens, quelle était l'identité palestinienne avant le 19e siècle, pourraient poser la question à peu près à toutes les communautés ethno-nationales du globe jusqu'à la fin du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le siècle de l'invention des États-nations et des identités nationales, y compris l'identité nationale palestinienne, y compris l'identité nationale juive. La Palestine, comme la Syrie du début du siècle, comprenait un gros nombre d'ethnies et de nationalités. Salim Tamari, professeur de sociologie à l'université de Bir Zeit, rédacteur en chef du journal Le Jérusalem Quartering, publié par l'Institut des études palestiniennes. But of course, the most important ethnicity was that of the Arab Eastern population, which included a lot of Jews, mais bien sûr, l'ethnie la plus importante était arabe du Moyen-Orient. Ils étaient juifs, musulmans et chrétiens de langue arabe. Mais il y avait aussi d'autres minorités, des Coptes, des Éthiopiens, des Grecs ou des Italiens. Jérusalem et la Palestine ont attiré un grand nombre de missionnaires, de prosélytes chrétiens, mais aussi des juifs avant l'émergence du sionisme, et après pour des raisons politiques, mais avant le sionisme pour la foi, parce qu'ils voulaient vénérer et acheter la Terre Sainte. L'élément religieux était essentiel, mais la période de Jaffa à Haïfa a attiré un grand nombre d'artisans et de commerçants qui investissaient dans la Terre Sainte. C'est pourquoi on trouve d'importantes communautés arméniennes, italiennes et grecques. À cela s'ajoute la population juive, venue d'Europe de l'Est et de Russie, dans la troisième partie du XIXe siècle. La question du nationalisme, c'est une question très très compliquée, de savoir quand est né le nationalisme dans les différents pays. Alain Grèche, journaliste, spécialiste de la Palestine. L'Empire ottoman est un empire dirigé par les Turcs, dans lequel il y a, enfin, au Proche-Orient, il domine des Arabes. Donc pendant la Première Guerre mondiale, on a tous vu le film Laurence d'Arabie, on sait qu'il y a eu une révolte des Arabes contre l'Empire ottoman. Mais contrairement à ce qu'on nous montre, une grande partie des Arabes n'étaient pas du tout prêts à se libérer, révolter contre l'Empire ottoman. Au contraire, ils ont été une partie des troupes turques pour combattre, notamment dans les Dardanelles ou en Irak, contre les troupes britanniques. Donc, il y avait un problème de conflit de loyauté. Qu'est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est musulman ? Est-ce qu'on est arabe ? Et l'Empire ottoman créait une espèce, pour un certain nombre d'entre eux, un cadre suffisant. Il n'y avait pas une revendication plus grande. Et puis, la disparition de l'Empire ottoman a créé une situation dans laquelle le Proche-Orient a été divisé. Alors, il a été divisé, les frontières ont été tracées, comme toujours, arbitrairement, entre Syrie, Palestine, et Irak, Jordanie. En Palestine, si vous voulez, le nationalisme est en partie lié, il existe avant, mais il est en partie lié à la lutte contre la colonisation sioniste. C'est-à-dire à partir du moment où, et ça c'est avant le 1914, commencent à arriver des colons sionistes, à ce moment ça pose un problème et il commence à y avoir une forme de mobilisation qui va se renforcer après 1917, la déclaration Balfour dans laquelle les Britanniques disent qu'ils voient de manière positive la création d'un foyer national juif en Palestine. Et à ce moment, il va se créer autour de cette lutte contre une colonisation, un nationalisme propre qui est un nationalisme palestinien. Mais ce qui est important, c'est que c'est un carrefour majeur des routes de communication. Depuis l'Antiquité, tout passe par, disons, la Palestine, ça. Et avec le canal de Suez, pour les Britanniques, c'est devenu une route de communication majeure entre l'Inde, qui est la perle de l'Empire. Donc il faut protéger ça. Et les Britanniques vont comprendre que pour protéger ça, leur meilleur allié, c'est les sionistes qui veulent retourner en Palestine et qui peuvent être des alliés importants. En plus, comme à l'époque, je veux dire, la rivalité, elle est aussi avec les Français. C'est-à-dire, le problème pour les Britanniques, c'est comment éviter que les Français ne s'implantent beaucoup. Au départ, d'ailleurs, la Palestine, ils avaient prévu de diviser la Palestine entre les Français et les Britanniques. Donc, les Britanniques vont utiliser le mouvement sioniste pour expulser aussi la France. Mais pour les Britanniques, c'est des considérations stratégiques. C'est-à-dire, c'est vraiment le canal de Suez, c'est les poumons du commerce mondial, pas seulement pour les Britanniques. Donc, le contrôler, c'est vraiment un enjeu. Et ils vont faire le pari réussi que les sionistes vont être dans ce contrôle un élément, un allié tout à fait majeur pour eux. S'il plonge ses racines dans la nostalgie de Sion, comprendre Jérusalem et par extension la terre d'Israël, le sionisme se développe en Europe à la fois en réaction à l'antisémitisme et à la persécution des juifs, mais également dans le contexte des aspirations nationales du XIXe siècle. C'est le journaliste et écrivain autrichien Theodor Herzl qui va lui donner de l'ampleur. Venu couvrir le procès Dreyfus dans une France qui ne cache pas sa haine des juifs, il se lance dans l'écriture de la définition du mouvement sioniste, essai d'une solution moderne de la question juive, dans son livre resté célèbre, intitulé tout simplement « L'État juif ». Il écrit « Le but du sionisme est la création pour le peuple juif d'un foyer en Palestine garanti en droit public. Et pour atteindre ce but, il fixe le cap. Encourager l'installation en Palestine d'agriculteurs et d'artisans juifs, mobiliser et unir les communautés juives au moyen d'organisations locales et internationales, renforcer le sentiment national juif et entreprendre les démarches pour obtenir le consentement des gouvernements au but du sionisme. » Le congrès fondateur de l'organisation sioniste mondiale, c'est août 1897 à Bâle. C'est là que Herzl prononce son discours fondateur et c'est le premier congrès sioniste. Ensuite, il y en aura un tous les ans. Août 1897. En mars 1898, le maire de Jérusalem, qui s'appelle Youssouf Zia al-Khalidi, qui était un arrière-grand-oncle de l'historien Rachid Khalidi et de l'historien Walid Khalidi, il écrit une lettre à Theodor Herzl, en français, dans laquelle il s'exprime en tant que maire de Jérusalem. Il lui dit « Mais il n'y a pas à contester votre projet national. » Il a cette phrase incroyable, il dit « Après tout, c'est bien votre pays. » il ne conteste pas le fait que les Juifs de diaspora aient des vues sur la Palestine et aient des droits, peut-être plus que d'autres, à s'y installer de façon privilégiée. Mais ensuite, il rappelle qu'il y a énormément de non-juifs en Palestine et à Jérusalem. Et il dit que c'est en tant que municipe de Jérusalem, qui connaît bien les équilibres de cette ville, les équilibres subtils, comment les différentes communautés coexistent, réussissent à coexister, c'est en tant que maire de Jérusalem que je peux vous dire que votre projet va enflammer la région et en particulier Jérusalem. Herzl lui répond, quelques semaines après, en français également, mais Jérusalem, c'est pas la question. La question, c'est de créer un foyer national pour le peuple juif, qui soit un endroit sûr, et donc précisément, pour que ce soit un endroit sûr, Jérusalem n'est pas le sujet. La communauté juive de Palestine se trouvait principalement dans le nord. Dans cette région, on trouve différentes communautés juives, la majorité étant religieuse, ce qui diffère de la communauté juive en Europe. Je dirais que les juifs laïcs étaient très marginaux en Palestine jusqu'au sionisme. Nazmir Jourbé, historien à l'université du Bir Zeit, spécialiste de l'archéologie. I was born in the Jewish quarter, and the Jewish quarter, which was a very small quarter in the old city. Je suis né dans le quartier juif, un tout petit quartier de la vieille ville qui était mixte. Ma famille n'est pas juive, mais nous y vivions quand même. La plupart des propriétaires de ce quartier étaient des musulmans d'Égypte, mais peu de juifs. Ils avaient parfois quelques contacts, mais les juifs ne faisaient pas vraiment partie du mouvement national. Ils ne participaient pas non plus à la vie culturelle de la ville, ni à la vie en général. Il n'y avait pas de ghetto, ça n'a jamais existé en Palestine. Mais les interactions étaient très limitées jusqu'en 1882. Des immigrants sont arrivés principalement d'Europe de l'Est, de Pologne et de Russie. Il y avait et des religieux et des laïcs. C'est le début, je dirais, d'une présence juive en Palestine en général et à Jérusalem en particulier. Le sionisme est une sorte de nationalisme, une idée du nationalisme. La définition orthodoxe du judaïsme n'a rien à voir avec le nationalisme. C'est une religion qui donne une identité religieuse. Le sionisme a commencé à établir des institutions qui organisent la propriété foncière, le travail et la création d'infrastructures pour un État juif à venir. Une entreprise juive d'un genre totalement différent a vu le jour en Palestine à la fin du 19e siècle. I'm not saying that 1882 was a symbolic beginning, but later on began really to. L'année 1882 est un début symbolique et c'est petit à petit qu'a commencé à émerger à Jérusalem des marchands juifs, des industries juives, des écoles laïques et des hôpitaux juifs. À la fin du 19e siècle, je dirais qu'un mini-État est né avant même le mandat britannique. Un micro-État juif de facto au sein de la Palestine mandataire, l'idée même d'identité palestinienne se serait-elle construite en réaction, en opposition à cette tangible réalité ? Il y a au début un grand rêve que les Arabes appelleront le rêve d'une nation arabe. Ce n'est pas un État. Ce n'est pas encore l'État au sens conceptuel moderne. Mais l'idée, d'ailleurs, ils pensaient mettre à la tête de cet État le prince Faisal d'Arabie Saoudite, enfin, ce qui est l'Arabie Saoudite. Durant cette période, la Palestine n'est pas seule dans ce questionnement, puisqu'on est en train de dire la nation arabe. Se pose la question de savoir qui est arabe. Et c'est un débat très important qui a énormément marqué la suite. Et vous avez deux courants à ce moment qui traversent ces pays, qui ne sont pas encore des pays, hein, qui étaient encore des provinces d'un empire qui est l'Empire ottoman. Les courants qui traversent ces périodes, vous en avez deux. L'un qui dit est arabe, celui qui est musulman. L'autre qui dit est arabe, celui qui est dans la langue des Arabes. Et donc, vous avez deux formes qui vont commencer à se développer. Une forme nationaliste basée sur l'idée des réformes et de la modernité, non pas le nationalisme chauvin comme on pourrait l'entendre après, et une autre forme qui pense que non, pour être arabe, c'est l'islam. Sur ce arrive le partage imposé à la région, puisqu'on a disséqué un peu l'espace pour marquer un peu les intérêts ou les cadeaux, enfin les acquis de chacune des puissances. Et ces pays qui rêvaient d'être dans une nation vont pour la première fois être confrontés à un concept tout à fait nouveau. La notion des frontières, absolument nouvelle. Parce que entre les provinces, ce n'est pas des frontières, ce sont des limites intérieures gérées par le sultan et les autorités ottomanes. Et tout d'un coup, ces pays découvrent la notion de frontières, donc c'est un partage extrêmement violent et pas simplement une nouvelle structure administrative et qui est vécue comme une violence puisque la terre est déchiquetée. C'est les Français et les Britanniques qui vont administrer ce qu'on appelle le Proche-Orient, c'est-à-dire toute la côte syro-palestinienne, libano-syro-palestinienne. Jihan Sfer. Donc avant l'installation des Français et des Britanniques, on avait des cercles intellectuels qui sont nés dans un mouvement culturel qu'on appelle la Nahda. La Nahda qui est la renaissance culturelle de la fin du 19e, début 20e, et qui revendiquait une culture, une langue, une nation. C'est les débuts de du nationalisme arabe, et où on voulait créer une nation arabe unie parce qu'on avait la même culture, la même langue et on appartenait à la même nation. Et il y a eu plein de cercles, comme pour les cercles des jeunes Turcs qui sont nés en Turquie pour réclamer une appartenance turque, qu'on avait commencé aussi au début du XXe siècle à se débarrasser des ethnies, de faire des nettoyages ethniques, on l'a vu avec le génocide arménien. Et donc là, dans les provinces arabes, on a la naissance d'un sentiment d'appartenance, et il faut dire que la fin de l'Empire ottoman a effacé des années et des siècles de tolérance et de vivre ensemble, puisqu'on avait le CUP, qui est le Comité Union et Progrès, qui va arriver et qui va régner de manière très répressive face aux nationalistes arabes. Et donc les Britanniques et les Français vont utiliser également ce sentiment anti-ottomaniste pour favoriser le nationalisme arabe au début et paver la voie à leur installation en Syrie, au Liban, en Palestine. Mais en Palestine, ce sont les chrétiens palestiniens et surtout les grecs orthodoxes palestiniens qui vont commencer à revendiquer une identité globale, musulmane et chrétienne, palestinienne, dans un journal qui s'appelle Al Carmel, et ils avaient fondé également autour de ça le parti de l'indépendance Al Istiklal. Et donc on a ces nationalistes palestiniens qui épousent quelque part, qui vont prendre également des idées de la pensée politique d'un Antonios, George Antonios, qui va écrire un livre qui s'appelle The Arab Awakening dans les années 30, ou l'éveil arabe, et ils vont également dire qu'il y a quand même une identité arabe-palestinienne qui est là, mais qui est dans un environnement arabe. Qui se définirait comment ? Ils se définissent comme des Palestiniens qui vivent en Palestine. C'était un sentiment d'appartenance à une terre, d'appartenance à une nation et d'appartenance à un village, à une province qui existait pendant l'Empire ottoman, à une famille. Donc on avait la famille Khalidi, la famille Husseini, la famille Nashashibi, et qui était là et qui gérait les villes, Jérusalem par exemple, Jaffa ou Haïfa, et qui débordaient autour de ces villes. Et donc on avait ce sentiment d'appartenir à un territoire et à un clan. C'est justement un des membres de ces grandes familles, Amin al-Husseini, devenu mufti de Jérusalem, qui galvanise le nationalisme palestinien, incitant la révolte contre les autorités britanniques. We cannot ignore. Nous ne pouvons pas ignorer le leadership de Haj Amin al-Husseini. C'était un phénomène. Il était le grand mufti de Jérusalem et appartenait à une très grande famille respectée depuis toujours. En particulier dans les institutions religieuses de Jérusalem. Les institutions islamiques de Jérusalem rayonnaient non seulement en Palestine, mais partout ailleurs. This man had identified the power. Cet homme avait conscience du pouvoir qu'il tenait entre ses mains en tant que grand mufti de Jérusalem. And he managed in 1931 already to organize the first Islamic conference in Jerusalem. En 1931, il organise la première conférence islamique réunissant tous les dirigeants islamiques du monde arabe à Jérusalem pour créer une sorte d'international pour soutenir la cause palestinienne. To support the Palestinian case. He was, il avait une vision internationale. Pour moi, il a été le leader incontesté de la Palestine pendant une longue période. Il a su identifier la puissance de Jérusalem et a su utiliser le nom de Jérusalem pour unifier tout le peuple palestinien et les peuples du monde islamique pour s'opposer au sionisme et à l'occupation britannique. Évidemment, on est obligé de constater que la place de Jérusalem dans la matrice idéologique nationale, nationaliste palestinienne, ne cesse de gonfler à mesure que la cause nationale palestinienne a tendance à s'islamiser. On dit toujours Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam. Bon, quand on dit ça, on fait de la théologie. Moi, je regarde le Dôme du Rocher et je rappelle que c'est le plus ancien monument islamique conservé au monde. C'est bien plus ancien que tout ce que vous pouvez voir à la Mecque ou à Médine, sans nulle comparaison. Et c'est un monument qui préexiste à la fixation du texte coranique. Et donc, le fait que Jérusalem soit considérée non seulement comme une capitale politique revendiquée par la cause nationale palestinienne, mais aussi comme une capitale spirituelle revendiquée par les musulmans palestiniens, n'a absolument rien d'étonnant, et ce n'est pas entièrement une fabrication tardive. Dans les années 1920, le pouvoir mandataire britannique décide de faire de Jérusalem la capitale de la Palestine mandataire, c'est-à-dire la capitale de ce territoire bien particulier qu'on appelle la Palestine, et que la Société des Nations, c'est-à-dire la communauté internationale, a décidé de confier à la Grande-Bretagne, avec un mandat, c'est pour ça qu'on appelle ça la Palestine mandataire. Le mandat, c'est de permettre ce qu'on appelait à l'époque l'éclosion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire que c'est un mandat provisoire, en fait. Il ne doit pas s'agir d'une colonisation permanente. Et d'ailleurs, au sens strictement juridique, la mise en place du mandat britannique, ça n'est pas une colonisation. C'est évidemment une situation coloniale, néocoloniale ou postcoloniale, mais ça n'est pas une colonie britannique, même si elle est gérée par le Colonial Office. C'est un mandat confié par la communauté internationale pour permettre l'épanouissement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans cette région qu'on appelle la Palestine. Et dans ce contexte, la Grande-Bretagne décide de faire de Jérusalem la capitale de ce territoire qu'on appelle la Palestine. Cette décision, elle va avoir évidemment des incidences parce que, puisque le pouvoir mandataire britannique est à Jérusalem, alors les représentants des deux projets nationaux concurrents doivent y être aussi. Parce que c'est là qu'on peut discuter, revendiquer, réclamer, manifester, s'affronter éventuellement, se massacrer selon les moments. Il y a un moment d'affrontement extrêmement grave, extrêmement intense, c'est 1929, août 1929, les émeutes du mur. Certains historiens considèrent que c'est l'année zéro du conflit israélo-palestinien. C'est le premier affrontement physique entre des sionistes et des nationalistes palestiniens. Ça se solde quand même par à peu près 300 morts à l'échelle de la Palestine, mais ça commence très précisément devant le mur occidental, côté la Maravi, qu'on appelle en Occident le mur des lamentations, que les Palestiniens musulmans appellent Al-Bourak, du nom de la jument ailée du prophète, cette jument ailée qui aurait été accrochée sur ce mur. Les émeutes d'août 1929, qu'on a appelées aussi les émeutes du mur, c'est un conflit d'usage, on va dire, qui éclate précisément sur ce petit morceau de trottoir qui fait à peine 3,50 m, 4 m de profondeur sur moins d'une dizaine de mètres de long. Mais ce conflit de voisinage, il n'y a pas d'autre mot, dégénère en émeute à Jérusalem d'abord, puis aux alentours, puis dans toute la région, puis dans toute la Palestine, jusqu'à Hébron, avec à la fois à peu près à parité des morts juifs et palestiniens, des scènes de pogroms évidentes à Hébron par exemple, et également beaucoup de Palestiniens qui sont tués par balles à Jérusalem ou ailleurs. Ces 300 morts d'août 1929, d'une certaine manière, ils signent dans le sang le nouveau statut de Jérusalem, qui devient à partir de ce moment-là la capitale disputée de deux projets nationaux concurrents, le projet national juif, le projet sioniste, et le projet national palestinien. Il y a eu très vite la perception qu'il y avait une menace. Albert Londres a fait un reportage qui s'appelle « Le Juif errant est arrivé » où il va en Palestine. En général, ce qui m'a frappé dans tous ces Français qui allaient en Palestine, c'est qu'ils rencontrent pratiquement jamais d'Arabes, de Palestiniens. Mais lui, il a un moment où il rencontre une délégation de 10 Palestiniens. Il y a un Palestinien, donc on est en 1929, il lui dit « Écoutez, nous, on est prêts à accueillir tout le monde. La Palestine a toujours été une terre de refuge, etc. Mais on n'est pas prêts à accueillir des gens qui nous disent qu'ils veulent créer un État chez nous. » Donc là, le problème avec le sionisme, c'était... Ils l'ont vu concrètement, c'est-à-dire que il y a eu toute une politique d'achat de terres par un fonds juif pour l'achat des terres, et dès qu'ils achetaient des terres, ils expulsaient les paysans qui les exploitaient. Et il y a eu ce mot d'ordre qui est quand même assez choquant pour nous, Européens, c'est « on veut développer le travail juif ». C'est-à-dire, on veut que des travailleurs juifs, on veut pas de travailleurs arabes. Donc tout ça, ça a suscité évidemment à différents moments des oppositions, dont la grande révolte de 36-39, qui a été quand même un moment très important et qui a abouti à la décapitation du mouvement palestinien. D'abord, il a commencé par une grève 6 mois des commerçants, des Mais après, ça a commencé dans les villes. Majdi Malki, professeur de sociologie à l'université du Bir Zeit et chercheur à l'Institut des études palestiniennes à Ramallah. Mais après, c'est devenu une révolution, bien sûr, militaire. C'était un signe que la Palestine... Il y aura des catastrophes concernant les Palestiniens à l'époque parce que bon, ils étaient très affaiblis. Et il y avait aussi le problème de dirigeants palestiniens qui étaient très mous concernant la politique britannique et tout. Et donc, on est entré dans la deuxième guerre mondiale et c'est une des raisons qui a terminé la deuxième révolution. Et là, les terrains se préparaient pour les catastrophes. En 1936, l'élément à retenir, c'est que le mouvement national était dirigé par les villageois. Avant, le leadership appartenait plus à une forme de bourgeoisie des villes, aux mains de certaines familles de tradition féodale et religieuse. C'est un phénomène vraiment nouveau que les villageois ne soient pas seulement des soldats, mais des meneurs, parce que les révoltes antérieures étaient principalement dirigées par des élites familiales jérusalémites, comme les Husseini ou les Nashashibi. votre mère quitte sa maison natale en 1935, donc 13 ans avant la création de l'État d'Israël. Pourquoi elle part ? Elle part tout simplement parce que son père, Jamal Husseini, était un grand dirigeant du mouvement national. Leïla Shahid, diplomate, ancienne déléguée générale de l'autorité palestinienne en France. Et ce mouvement était contre les Britanniques, parce que les Britanniques avaient déjà montré depuis 1920 qu'ils favorisaient l'installation d'un État juif en Palestine en parlant des Palestiniens comme les populations non-juives. C'est comme ça que c'est écrit dans le texte. Et il y a eu une grande promesse de Herbert Samuel qui promettait, un grand dirigeant britannique, qui promettait un foyer national à la place de la Palestine. Or, les Anglais n'avaient pas le droit, en tant que mandataire, de donner la souveraineté d'un pays, c'est au peuple qu'il appartient. Ils n'avaient pas le droit de donner, la Grande-Bretagne n'avait pas le droit de dire « moi, je donne ce pays au mouvement sioniste ». Je crois réellement que cette résistance était une résistance anticolonialiste britannique qui était dirigée par toute une série de membres de ce qu'on appelle le Haut Comité arabe, avec des chrétiens, des musulmans, des gens du nord, du sud, surtout des gens plutôt des villes. Et pendant des années, ils ont essayé par des moyens diplomatiques, avec des conférences à Londres, à Paris, partout, en disant aux Britanniques, vous n'avez pas le droit, vous êtes en train d'amener tellement d'immigrants, mais faisons un État démocratique et laïque ensemble, pourquoi vous voulez faire uniquement un État juif ? Ils voyaient ça depuis 1920, que dire que c'est un État juif seulement, ça ne pouvait aboutir que ce qu'on voit aujourd'hui, ça veut dire une guerre éternelle qui n'en finit pas. Et donc, bien sûr, le mouvement de résistance commence comme un mouvement anticolonial et pas violent, c'est ça qui est le plus triste. Par exemple, je retrouvais dans les archives les discours de mon grand-père. Mon grand-père appelle les Juifs à faire un État avec eux, surtout les Juifs séfarades, ça veut dire les Juifs palestiniens, parce que la Palestine avait une communauté juive importante, le Yishuv, qui vivait depuis 2000 ans avec les Palestiniens sans problème. Les problèmes ont commencé vraiment avec le mouvement sioniste, qui est un mouvement national d'exclusivité juive. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas créer un pays pour tout le monde, non, uniquement un pays juif. Il est évident que le fait que le projet sioniste se précise, se réalise, se concrétise petit à petit, a des effets. Retour sur la décantation et la concrétisation du projet national palestinien. On peut dire, par exemple, exactement la même chose de la France et de l'Allemagne, par exemple. Hein, c'est-à-dire que des ethnogénèses se construisent en miroir les unes des autres. C'est un classique de l'histoire mondiale sur la même période. La nation française et la nation allemande se sont construites précisément dans cet effet de miroir. Donc ça n'a rien d'original et c'est même totalement banal. Ce qu'il est moins, c'est que face au projet national palestinien, il y a un projet national juif, qu'on appelle le projet sioniste, qui lui, pour le coup, est constitué comme projet. Ça n'est qu'un projet. Donc c'est tout sauf une réalité et c'est entièrement un projet. Alors que la Palestine, c'est totalement une réalité, et ça ne sera que tardivement un projet. Mais on a dit deux fois la même chose, là. C'est justement parce que c'est une réalité que ça n'a pas besoin d'être un projet. Et quand on lit les textes des élites palestiniennes de l'époque, quel besoin de défendre la Palestine ? Elle existe. On a les terres, on a l'économie, on a, en fait, on a la Palestine. Donc c'est pas la peine d'en faire un projet, puisque la Palestine existe. À l'inverse, encore une fois, le projet sioniste, ça n'est qu'un projet. Et donc toute l'énergie converge vers cette projection, d'une certaine manière. Donc c'est ça qui permet de comprendre la différence entre, effectivement, ce qu'on a pu considérer à bon droit. Oui, les élites palestiniennes ont été, d'une certaine manière, passives. Mais comment n'aurait-elle pas été passive quand on a 85% du territoire, de fait, quand on domine entièrement ce territoire, cette société, ce monde socio-économique, ce monde socio-culturel ? On attend de voir. Et puis pourquoi est-ce qu'il aurait absolument fallu y croire ? Est-ce que ça devait réussir ? On considère que, en Palestine, mandataire donc, en 1947, 15% de la propriété est juive, c'est-à-dire soit des individus de confession juive qui ont des propriétés, qui ont des terres, soit des organisations juives et ou sionistes qui ont fondé des moshavs, des villages, des implantations, généralement dans la plaine littorale et un petit peu également en Galilée. Donc 15% des terres, on va dire, sont convergentes avec le projet sioniste et 85% ne le sont pas. On pourrait dire donc que les 85% sont des terres palestiniennes. Le plan de partage de 1947, c'est à peu près 50-50. Je rappelle toujours cela parce que, évidemment, on ne comprend plus aujourd'hui pourquoi est-ce que le Haut Comité exécutif arabe, en 1947, refuse le plan de partage. Donc, le plan de partage de 1947, c'est très simple, c'est de dire aux Palestiniens, vous avez 85% du pays, signez en bas de cette feuille et vous en aurez 50%. Comment imaginer que le Haut Comité exécutif arabe puisse accepter cette proposition? A l'inverse, on comprend évidemment que les organisations sionistes acceptent. Vous avez 15% de la terre, signez ici, vous en aurez 50%. Le 29 novembre 1947, l'ONU établit le plan de partage de la Palestine mandataire en trois entités. Un État juif, un État arabe et Jérusalem qui passerait sous contrôle international. La population totale de la Palestine est alors composée pour deux tiers d'Arabes et d'un tiers de Juifs. Le 14 mai 1948, à Tel Aviv, Ben Gurion proclame l'État d'Israël. Nous, membres du Conseil national, représentant le peuple juif de Palestine et le mouvement sioniste mondial, proclamons l'État juif de Palestine sous le nom d'Israël. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. In May 48, I remember... Tania Tamari Nasser, chanteuse. My uncle, Edmond Tamari and his wife, Marie, en mai 1948, je me souviens que mon oncle Edmond Tamari, sa femme Marie, et leur fils Salim, qui vivait à Jaffa, sont passés par Ramallah pour rejoindre le Liban, parce que Jaffa était tombée. C'était les grands bombardements de Jaffa. Bien qu'il n'y ait pas eu de bataille à Ramallah, il voulait convaincre mon père qu'il fallait partir avec eux. J'avais 6 ans et demi, et j'allais avoir 7 ans en juin. Mon père n'arrêtait pas de dire « Mais il ne se passe rien ici, je ne veux pas partir. » Mon oncle répétait, ça bien sûr on me l'a raconté. « Tu n'as pas entendu parler du massacre de Deir Yassin? Tu n'as pas peur? Tu as des enfants? » Tout le pays était en feu à l'époque. Nous sommes donc montés dans la voiture de mon oncle et nous nous sommes dirigés vers le Liban. Mais sur la route, ça me parcourt encore le corps. Arrivé vers l'aéroport, aux alentours de Calandia, les parents ont jeté une couverture sur nous pour nous cacher. Nous étions dissimulés sous des couvertures car il y avait des affrontements et des balles fusaient au-dessus de nous. Je me souviens clairement d'avoir eu peur, d'avoir été anxieuse. Quelque chose n'allait pas. C'est la guerre. Appuyant l'organisation terroriste du grand mufti, 5 armées arabes entrent en Israël. Tel Aviv est bombardé, Jérusalem encerclée. En face de cette attaque, les forces d'Israël sont disparates. Pourtant, elles enrayent la poussée arabe, non sans de lourdes pertes. Ben Gurion lance en vain un nouvel appel à la paix. 9 avril 1948. Dans le village de Deir Yassin, situé à l'ouest de Jérusalem, Des groupuscules terroristes sionistes se livrent à un véritable massacre, tuant une centaine de personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Mars, avril, mai 1948, les Palestiniens étaient chassés de leur propre maison. Houda Farid Imam, médecin palestinienne de Jérusalem, née à Saint-Joseph il y a 60 ans. En fait, les Anglais, à l'époque, ils ont utilisé plusieurs moyens pour que les gens aussi partent. Donc, il y a des gens qui sont partis pour sauver leur vie. Parce qu'il y avait Houna al-Quds, la radio palestinienne, qui était gérée par des Palestiniens, mais contrôlée par les Anglais. Donc, ils imposaient qu'on dise aux gens, à la radio, et tout le monde écoutait, une chaîne de radio. Il y a eu le massacre de Deir Yassine, il y a eu plusieurs centaines massacrées, il faut partir. Les gens, effectivement, ils ont eu peur, il y en a qui sont partis. Mais il y a quelques membres de la famille, les cousins de mon père par exemple, qui sont restés dans leur maison. Ils étaient pris en otage pendant 6 mois, ensuite ils étaient pris en prison, ensuite déportés en Jordanie. Donc en 1948-49, on a une première guerre qui va se déclencher entre les forces juives qui étaient sur place et d'abord les Arabes de Palestine, et puis ensuite qui vont être rejoints par les armées des États nouvellement indépendants, comme le Liban, la Syrie, et puis la Transjordanie et l'Égypte, qui vont envoyer des hommes pour venir combattre et prêter main forte aux Palestiniens contre les forces juives. Sauf que ces États arabes n'étaient pas assez armés. La Transjordanie, par exemple, et je vous renvoie aux travaux d'Avi Shlaim, Collusion with Jordan, avait déjà négocié avec Ben Gurion pour faire semblant de participer, mais ils avaient déjà négocié la Cisjordanie plus Jérusalem, qu'elle soit reliée au royaume de Jordanie. Et donc, on a quelque part une déconfiture, enfin une défaite de ces armées arabes qui étaient prévues, puisqu'ils n'étaient pas assez armés. Et puis, une force armée juive qui va s'unir, qui va unir tous les mouvements, l'Irgun, la Haganah, sous une seule formation, et qui, eux, viennent d'Europe, et qui ont été assez formés, et qui ont les armes, et surtout un projet nationaliste qu'ils tiennent et qu'ils veulent absolument réaliser. Donc il y avait le plan d'Alet qui avait été conçu par Ben Gurion et par les chefs de l'armée, qui était de prendre le nord de la Galilée, de nettoyer toute la frontière, créer une sorte de zone tampon là-bas pour qu'il n'y ait plus d'incursion par cette frontière, de nettoyer les frontières. Et donc on avait au départ un récit comme quoi les Palestiniens sont partis parce qu'il y a eu des rumeurs, partez, ils sont partis, et que les armées arabes les ont appelés à partir. Avec les travaux d'historiens israéliens et arabes, on découvre que la situation était beaucoup plus complexe que ça. Que le problème des réfugiés, parce qu'il y a eu, on estime le nombre des Arabes de Palestine qui partaient, entre 700 000 et 900 000 selon les estimations, et qui sont partis entre mai et septembre 1948 et au-delà un peu en 1949, s'installer dans les pays voisins. Donc au Liban, en Jordanie, en Égypte et en Syrie. Et donc la Nakba, c'est le désastre. Ça signifie, le mot Nakba littéralement signifie le désastre, la catastrophe. Un des premiers intellectuels à avoir défini la Nakba, c'est Constantin Zrek, qui est un nationaliste syrien installé à Beyrouth, professeur à l'université américaine de Beyrouth, et qui va sortir un ouvrage qui s'appelle « Ma'na al-Nakba », ou « Le sens de la catastrophe », dans lequel il va expliquer pourquoi les Arabes ont échoué et pourquoi il y a cette catastrophe. Et c'est un nationaliste qui est très inspiré par le modernisme et les idées progressistes. Donc il dit, entre les lignes, le mouvement sioniste, qui est un mouvement nationaliste également, a su s'imposer parce qu'il est dans la modernité, dans la progression, et qu'il a su avec combattre. Alors que les Arabes se gargarisent des gloires du passé, de l'empire musulman, etc., et qui ne sont pas dans cette progression, dans cette modernité. Et il dit qu'il faut utiliser Nakba, donc cette catastrophe, ce moment, comme étant un moment de progression, d'éveil, d'une sorte de on secoue quelqu'un, une décharge électrique pour qu'il se réveille et pour qu'il accomplisse ce projet nationaliste arabe, qu'ils aillent dans la reconquête de la Palestine. C'est la catastrophe qui, en 1948, qui a changé tout, qui a, bien sûr, a détruit la modernité palestinienne, détruit les villes, surtout les trois villes les plus importantes en Palestine, comme Haïfa, Yafa et Jérusalem. Les trois villes qui ont devenu, pendant les années 30 et 40, des villes, les symboles de modernité palestinienne et de classe moyenne et classe bourgeoise. Et là, on a commencé par zéro après le 48. C'est devenu un pays de catastrophe, parce que la région de Cisjordanie, qui est restée dans les mains de Jordaniens à l'époque, sous l'occupation arabe ou sous les mandats jordaniens et égyptiens à Gaza, c'est la région la plus pauvre de la Palestine. Pauvre pas seulement en matériel, mais pauvre aussi culturellement. C'est une région de paysans, région des petites villes, mais le développement réel, c'était les villes côtières, les villes de Haïfa, Yafa, et bien sûr Jérusalem à cause de sa situation spéciale, comme une ville sainte et une ville à un statut religieux très important. Il y a une équation qui s'établit dès 1948 et qui était déjà latente pendant toute la période du mandat britannique. La présence de l'un ne peut signifier que la disparition de l'autre. Donc l'impossibilité à imaginer deux présences. Entre les années 30 et 48, il y a une terrifiante histoire qui se passe en Europe. Un crime aussi, un autre crime énorme, qui fait que, à la différence de tout ce qui s'est raconté, on peut bien sûr dire l'ampleur de ce qui est arrivé aux Juifs en Europe fait que c'est unique. Ce qui fait que c'est unique, c'est que, à la différence d'autres persécutions, les Juifs devaient disparaître où qu'ils aillent. Dans le cas des Palestiniens en 1948, c'est ce qu'on nous a dit. Moi je suis sorti, ma mère, portée par ma mère en 1948. Le message n'était pas celui-là. Le message, si vous partez, vous avez la vie sauve. Le message dans l'Holocauste, c'est où que vous alliez, nous allons vous éliminer. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Il y a une idée terrible qui est que dans les systèmes coloniaux d'habitude, beaucoup de gens vous disent, le sionisme est un colonialisme. Très bien. Sauf que c'est un colonialisme très particulier, puisque quand ils arrivent dans un pays, les formules coloniales ont l'obsession de l'exploitation des peuples locaux. En Palestine, non, on n'en veut pas. La force de travail des paysans palestiniens n'est pas intéressante. Il faut qu'ils laissent la place. Et il y a à partir de là une autre idée, qui est celle de la table rase. Cette idée d'effacer toute trace. Vous savez, en 68, il disait « sous les pavés la plage », on peut dire « sous Israël la Palestine ». C'est le même endroit, Israël et la Palestine. Simone Bitton, réalisatrice. L'un a, d'une certaine manière, recouvert l'autre. Des gens ont été chassés de chez eux il n'y a pas très longtemps, c'était hier, et ils ont gardé la clé, très souvent, de maisons qui n'existent plus, qui la plupart du temps ont été rasées, et autre chose a été construit par-dessus. Mais oui, moi j'ai vu des dizaines, des centaines peut-être de ces clés. Ouais, chaque famille de réfugiés a sa clé, hein. C'est pas du tout un mythe. Je pense qu'elle représente aujourd'hui exactement la même chose qu'elle représentait il y a 70 ans, c'est-à-dire l'aspiration au retour et l'affirmation de qui on est et d'où on vient. C'est-à-dire on a l'habitude de dire le réfugié palestinien comme si c'était une condition, en oubliant ce que ça veut dire d'être réfugié. Être réfugié, ça veut dire qu'on a un lieu dont on a été chassé ou forcé de partir. Même lorsqu'on est né réfugié, y a le lieu. Et le lieu, c'est la Palestine, et qui n'est pas un mythe, qui est un vrai lieu. C'était Les Palestiniens et la question palestinienne, de quoi la Palestine est-elle le nom, sous-titre emprunté à Alain Grech. Avec Elias Sambar, Majdi Malki, Jihan Sfer, Ouda Farid Imam, Leila Shahid, Vincent Lemire, Tania Tamari, Alain Grech, Nazmir Jourbé, Salim Tamari et Simone Bitton. Merci à Indiana Burkel pour son aide dans la préparation de ce documentaire, à Antoine Villoz et à Véronique Lefaleur. Prise de son Claire Levasseur, mixage Antoine Viossa, archivina Ingrid Anne Lecointe, traduction Indiana Burkel et Baptiste Murier, avec les voix de Stéphane Spada, Rafik Zénine et Marianne Chassor. Attaché de production Anaï Morales, attaché d'émission Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Carvran. Un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisé par Somanina pour la série documentaire. Demain le sport, une journée pour imaginer ensemble l'avenir du sport, mardi 19 septembre, à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Comment Paris va relever le défi d'accueillir l'an prochain les Jeux Olympiques et Paralympiques? Quels nouveaux champions vont se révéler? Venez dialoguer avec les acteurs du monde sportif. Inscription gratuite sur demainlesport.fr. Un événement France Info, l'équipe et France Télévisions.